9. 1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Marie-Laurence Audet nous expliquera pourquoi le loisir, c'est bien plus qu'un jeu. Et Alexandre Carignan cultivera aux esprits avec sa chronique Le temps de culture. Assemblage requis commence maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 19 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. JP est parti chercher un café pendant l'intro. Le taquin, il va se faire chicaner en onde, le taquin! Donc bonjour, bienvenue à vous et bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on va avoir Alexandre Carignan qui s'en vient dans quelques minutes pour sa chronique Le temps d'une culture, case horaire spéciale, donc en tout début d'émission. Ensuite de ça, à 8h, Marie-Laurence Audet et le loisir bien plus qu'un jeu. Sa fascinante chronique sur le monde de les loisirs. Ensuite, à 8h30, on fera quelque chose pour remplacer Anne-Julie Durocher, parce qu'Anne-Julie Durocher nous quitte malheureusement et prend pas la peine de venir nous dire au revoir en ondes. Donc, sa précédente chronique était la dernière. Hey, JP, salut! Salut! Wow. Quel excellent timing! Hein? Et juste à temps. Je dirais pas que t'es à temps, je dirais que t'es... J'ai été vraiment chanceux, Mathieu. Je sais pas ce qui s'est passé ce matin. J'avais pas de réveil, puis je me suis réveillé pareil. Hein? Oui, je veux. C'est rendu naturel pour toi, hein? Ouais, j'ai fait... Oh! Assemblage requis! Cauchemar! Je me suis réveillé. T'as pensé à moi. Ben tête. J'ai juste le temps de me doucher, comme tu peux voir. Ben non, en fait, est-ce que tu t'es séché les cheveux? Non. Ben voyons, non, ils sèchent donc bien naturellement vite. Ah, pas, tu trouves? Ben ils ont pas l'air si mouillés. Ah, bref. Moi, j'ai froid. On parlera de la texture de ton cuir chevelu plus tard. Un petit peu plus tard. Enfin, une émission, en fait, entre, je te dirais, 8h30 et 9h30, on a comme absolument rien. Donc, on va faire des chroniques maison comme Arrête avec tes questions. Mmh. Hein? Et si tout va bien, peut-être tu manges mon cœur. Oh, peut-être. On va essayer ça. Donc, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. On va aussi avoir une invitée spéciale vers les 8h15, mais en fait, après Marie-Laurence Audet. C'est Julie Cyr. Oui. Va venir nous parler d'arborescence. Exactement. Yes. Donc, c'est le plan pour l'émission d'aujourd'hui. On débute en musique, par contre. Et là, je vais faire comme dans iCarly. Eux, à la place de se traiter de bitch, ils se traitent de gank. Et c'est l'album de The Danks qui s'appelle Gank. Donc, yo, bitch! Bon matin! Yo! Voici Experimental Fiction. Ah! Oh. Tu te souffles sur la tête, t'as séché les cheveux? Oui. Oh, il aimé ça. Un peu trop à mon goût. On the walks of the avenues, watch the cruisers make a bend in the law or two. Oh, but it's no use, 'cause it's not news. Oh, it's no use. And I've got a lot to be grateful for. My back's been broken a time before. I've been stopped and I've been used. I've seen cruisers turn to punks in the avenue. I've been tested and I've been reminded what I've been through. Oh, but it's no use, 'cause it's not news. Oh, it's no use. Make a joke out of what you said. You leave me on damned and I've been used. I've been stopped along the walks of the avenues. I've been tested and I've been reminded what I've been through. Oh, but it's no use, cause it's not news. Oh, it's no use, cause it's not news. The Dang, c'est la pièce Not News sur l'album Gank. À son âge requis, la pièce s'appelle News. News. Maintenant, Alexandra Carignan nous amène des nouvelles, genre culturelles, mais dans le sens de... Bref, c'est pas vraiment des nouvelles, c'est pas de l'actualité. Ça n'a pas de lien, finalement. Fait que voici juste le temps d'une culture. Ah ouais. Bonjour Alexandra Carignan. Bonjour. Hey, on est très heureux de t'avoir à 7h30, hein? C'est très de bonheur ça. Oui, c'est très de bonheur. C'est trop de bonheur. C'est tout, c'est ma seule, je confirme. Ouais. Mais non, mais c'est de ma faute, tu sais. Ok, oui, parce que t'as une case horaire chargée aujourd'hui, une journée chargée. Ouais, ben j'ai plus un muffler qui marche pas. Oui, on le salue d'ailleurs. Allô? C'est lui. Hein? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est lui qu'on attendait. Ouais. Hey, une minute. Ouais, c'est peut-être. Oui, oui. L'intro, c'est pas de ça. Donc, Alexandra. Ben oui, en parlant de muffler, parlons de culture. Oui. Ben oui, hein. Oui. Arrêtez-vous pour sentir ma fleur de la culture, genre. Ma fleur. Ah, oui, oui, la fleur. Je la trouve poétique, celle-là. Oui. Oui. Écoutez, aujourd'hui, on va parler de trois choses, dont deux qui sont de l'impro. Je sais, c'est récurrent, mais j'aime donc bien oui, ça de l'impro. Ça commence à être vraiment propre sur la table tellement c'est récurrent. Comme une bobo. Ouais, c'est ça. Écoutez, ben, en fait, vraiment, on va faire un retour sur le match d'hier de la Luitre. Les Rouges qui ont affronté les Bleus pour la première fois en match régulier hier soir. Et c'était un match auquel j'avais hâte d'assister parce que les Bleus et les Rouges sont constitués de beaucoup de joueurs qui ont déjà joué ensemble. C'est vrai. Nommons-les. Alors, nous avons Maxime Tanguay qui est dans les Bleus, lui. Qui a recruté Jean-René Cocotte-Boutin, qui est le capitaine des Rouges. C'est ça, parce qu'avant, c'était Maxime le capitaine. Et oui. Et maintenant, c'est Élodie Mongrain. Oui. Qui est la capitaine des Bleus et qui, elle, a été recrutée par Jean-René Cocotte-Boutin. Aïe. Donc, hier, c'était une belle suite de « Je t'ai recruté, mais je vais te casser en mixte ». Alors, c'était magnifique. Pour vrai, c'était un beau match. On a eu quelques matchs à la Luitre où est-ce que ça jouait du coude un peu. Un peu plus rough. C'était pas du tout ça hier. En fait, c'était difficile de départir les mix, des comparés tellement ça allait bien sur l'improvisoire. Alors, on a eu vraiment des belles performances de joueurs, des très bonnes impros, d'excellents gags. Puis c'est ça qu'on veut à la Luitre, là, on se cachera pas. Ça a été vraiment un très bon match. Et le tout s'est terminé par une victoire pas écrasante, mais presque, des Bleus, qui ont fini 9-6, je crois. Alors, quand même, il faut dire qu'il y a des échanges de points là-dedans. Là. Il n'y a pas eu... Vu que c'est Noël qui s'en vient, évidemment, on s'échange des points. Il n'y a pas eu 17 impros. Là. Mais 9-6, tu sais? Non, c'est 15, ça? C'est sûr, c'est pas grave. 15. Wow! Okay, je suis en histoire pour une raison. C'est parce que j'ai pas calculé. C'est ça. Je suis allé mettre en radio parce que je suis carré. Non, hein? Mais Simon Fitzbé me dirait, mais là... on calcule quand même, là. Je fais oui, mais pas dans l'histoire que j'ai dit. Fitzbé, tu pourrais pas avoir raison puis dire non pareil, tu sais. Non, mais je l'aime d'amour pareil. Oui, ils ont aussi. Alors, la Luitre qui a joué un excellent match hier. De très bonnes impros. Les Bleus ont gagné finalement. Donc, faut dire que les Bleus sont bien équipés, là. On va se le dire, là. Il a dit Mongrain et Maxime Tanguay en duo, là. Oui. Avec deux nouvelles recrues qui punchent en tabarouette. Frédéric Bernard et Charles. Chuck. Pour de vrai, ils sont novices, mais réussissent. Quand ils veulent aller chercher le point, sans le savoir, vont aller le chercher. Ils ont tous les novices. Hein, sont, les lions, les tournevis. Je l'ai vu venir. Ouais, okay. On l'a vraiment vu venir. Oui, ouais, je sais. Ça arrive des fois. Des faciles. Comme à l'huître. ça arrive. Ah oui, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive, mais ça arrive. Les rouges, qui sont quand même aussi bien équipés, mais qui n'ont pas une valeur sûre comme, mettons, le duo Tanguay-Mongrain. Là, on a Philippe et Jean-René. Philippe, qui est un nouveau de l'année dernière, mais quel nouveau, hein? Ben oui, il est bon. Il est très, très bon. Et Jean-René s'est pris deux nouvelles recrues aussi, qui peuvent quand même être très, très bonnes. Mais on m'a dit hier que, bon, un se remettait d'une gastro, l'autre voulait se faire remplacer, mais n'a pas pu. Donc, déjà, les rouges ont perdu, mais n'étaient pas en forme. Ils ont été meilleurs qu'on pensait qu'ils allaient être, étant donné leurs conditions, genre. Mais moi, je les ai trouvés très, très bons. Et d'ailleurs, le joueur Jean-François Latour, qui est une recrue, on lui avait fait le commentaire de prendre plus son temps sur les improvisations, et c'est ce qu'il a fait hier. Et il a été bon. Il a réussi à construire des belles improvisations, à faire des belles entrées. J'imagine que c'est important, en tant que joueur d'impro, d'être ouvert à la critique pour s'améliorer. Oh oui! Vraiment. Si t'es pas ouvert à la critique, là... Ça part mal. Ouais. Ouais. Parce que l'improvisation, c'est ça. Mm-hmm. C'est l'éternelle évolution. C'est... La remise en question sans cesse. Exactement. Ouais. Et même quand on est un bon joueur, quand on est un joueur qui... Je sais pas comment le dire, pas qu'on est bon, mais qu'on est habitué. On est bon, parce que je voudrais pas dire de moi-même que je suis bonne. Et même si les... Non, pas moi, pas du tout. Okay. Mais ceux qui ne se font plus donner de critiques doivent s'auto-critiquer eux-mêmes. C'est important chez l'improvisateur de savoir s'améliorer, de prendre les critiques. Sûr que là, si on dit être de la marde, d'arrêter l'impro, je te dis pas de prendre la critique. Mais tu sais, de dire... Justement, telle affaire, faudrait que tu écoutes plus, faudrait que va plus chercher ça. Et faut c'est vraiment intellectuel, l'improvisation. Là. Ça n'a pas l'air de dire, ah, c'est des gags. Non, ça roule en tabarouette là-dedans. Là. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, très bon match hier de la lutte que la lutte nous a offert. Ça valait la peine d'y être, surtout que c'était gratis en plus. Ben oui, on a eu gratuit. Vraiment pour notre argent. Ouais. Ça revient la semaine prochaine, tous les lundis à 19h30. Tous les lundis, 19h30, chez la galerie. Je sais pas c'est quoi les équipes, je connais pas le calendrier, mais ça va être bon pareil. Je sais que Laurent joue pas, parce que PC m'a dit je joue le 2 décembre. Mm. Donc, parce que là, c'est soit les bleus. Ben, il y en a une de moins. Il me semble que les bleus jouent, parce que Maxime m'a dit tout, tout, tout, deux semaines de suite. Il y a quatre équipes, bleu, rouge, orange et vert. Exactement. Voilà, d'accord. Cool. Voilà. Je les retiens. C'est parce qu'il y a la lime là-dedans aussi. Dans le fond, si les oranges jouent pas, mais que les bleus jouent. Donc, c'est bleu versus et vert. Et c'est pas contre les rouges, parce que voilà, voilà. C'est bleu contre vert. Bleu contre vert. Prochaine. Génial. On le sait. Il y a trois, on réussit. Trois d'équipe. Et pour ceux qui aiment l'improvisation, la lime, qui est tous les mardis à 20h à la salle de Louis-Philippe Poisson. C'est un peu une continuité là, du lundi impro à la chasse. Cette semaine, ce sont les blancs contre les mauves. Ces deux équipes-là vont s'affronter. Les blancs qui ont été vaincus. Depuis le début de la saison. À chaque fois. Oh. À chaque fois. Mais la saison est jeune encore. La saison est jeune encore et il faut dire aussi que leur joueur Goon, Marc-André Fortin, n'a pas encore joué. Donc, est-ce qu'il va jouer là? Non plus. Il va jouer la semaine prochaine. Okay. Mais c'est comme un big shot, big deal dans le domaine, donc il est peut-être bien occupé. Hein, ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il fait beaucoup de contrats d'animation. Ouais. Alors, par-ci par-là. Mais écoutez, c'est gros goon. Mais sinon, dans cette équipe-là, il y a quand même Jean-René Cocotte-Boutin, le capitaine des Rouges, ce qui n'est pas rien. Il y a Maxime Tanguay aussi, qui est le leader de l'équipe, et Camille Tremblay-Lalancette, la douce moitié de Jean-René Cocotte-Boutin, et aussi la merveilleuse animatrice de la Luitre. Ben oui, vétérante de la Luitre jusqu'à... Dans le fond, elle est plus joueuse, elle fait juste animer cette année. Parce que c'est ça, elle plus à l'université. Oui. Mais elle est quand même gagnante de la coupe l'année dernière à la Luitre. Donc, c'est quand même une équipe qui est solide. Les Mauves qui sont constitués d'Alexandre Drouin, ancien animateur et ancien tout de la Luitre, ben oui. Puisqu'il était partout. Nous avons aussi dans l'équipe la vétérante Hélène Martin. Grand nom. Grand nom, joueuse d'improvisation à Trois-Rivières. Nous avons aussi un autre vétéran, Alexandre Gauthier. Oui. Qui est revenu à la Lime Mauricienne cette année. Alexandre aussi, là, qui est pas mal connu dans le domaine. Et finalement, la recrue, mais non la moindre, Samantha Bérubé, qui a joué à la Vie de Québec. Donc, il y a des bonnes équipes qui s'affrontent ce soir. C'est à 20h à la salle Louis-Philippe Poisson. C'est 5$ étudiants, 6,50$ adultes. Ça vaut la peine. Ouais. Et en plus, il y a de la bière du Trou du Diable. Tout pour vous convaincre. Et voilà. Mm-hmm. Et mon dernier speech, en fait, là, je vous occupe votre semaine parce que mercredi soir. Mais la fin de la semaine, on n'aura rien à foutre. Non, mais c'est ça, il n'y a plus rien après. C'est ça. Mais lundi, la Luître, ben là, c'est passé. Ce soir, la Lime. Et demain soir, mercredi, c'est Bernard Adamus qui vient faire son tour à la Maison de la Culture, à la salle à la Salle Rousseau. Bernard Adamus, c'est qui a lancé son deuxième album, numéro 2. Hein, il ne s'est pas cassé la tête pour le titre. Mais écoutez, c'est tout aussi efficace. Il l'a lancé, là, en fait, la saison dernière, l'autre saison dernière, au printemps. L'avant-dernière saison, il y a quelques saisons de cela. Il y a quelques saisons de cela. Dans le temps d'une culture. Dans le temps d'une culture. Bernard Adamus a lancé son deuxième album et c'est pour sa tournée promotion qu'il vient nous voir. En fait, si je ne me trompe pas, il était venu à Trois-Rivières juste après avoir lancé son album, mais genre juste après, comme la semaine d'après. Donc ça avait manqué. Ben non, moi j'avais été... Ah ben oui, non, c'est Bernie, quand même. Mais c'est une valeur sûre tout le temps, là. Mais c'est que ceux qui n'avaient pas eu le temps d'acheter ou qui ne connaissaient pas et qui l'ont connu avec la sortie de l'album ont un peu manqué son show. Donc il est revenu. C'est un succès. Écoutez, Bernard Adamus, c'est une des personnes que j'adore voir en spectacle et que je ne me tanne jamais de voir. Parce que ses chansons... Ben, premièrement, il est très bon live, là, et son band là, a quelque chose là, qui... il est vraiment très bon. Pas un performateur. Hein? Un performisateur, oh. Oui. Un performisateur qui fait très bien ça. Oh mon Dieu, la langue française me déteste. Un performisateur à parfum de brun. Ben oui, alors il performe très bien en spectacle, son band, mais lui aussi. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il va prendre ses chansons et va les modifier un petit peu légèrement. Que ce soit dans les paroles, dans le ton ou dans la mélodie complète là, qui change un petit peu le beat. Il est rendu bonne? C'est une blague juste pour moi celle-là. Excuse-toi. Ouais, j'ai vraiment juste pour toi. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment là, il donne une toute nouvelle couleur à ses chansons en spectacle. Il est bon, c'est tout le temps chaleureux. On dirait qu'on est dans le salon de notre chumé Benny. Oui, c'est ça. Il gratte sa guitare. C'est vraiment un bon spectacle. Ça vaut la peine d'être vu. Si vous ne l'avez pas vu, ben venez le voir. Ce soir à 20h à la salle Anaïs Salaire-Rousseau. Ça vaut la peine. Et d'ailleurs, si vous dites oh, Bernard Adamus, c'est qui ce Bernard Adamus? Félicitations du public, c'est d'ailleurs. C'est oui, vraiment incroyable. On va se quitter avec une pièce de Bernard Adamus qui, j'oublie tout le temps le nom, mais c'est une adresse. C'est 2176. Alors, 2176. Tout de suite. Merci, Alexandra Carillon. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. L'homme de la situation, c'est le plus petit de mes grands chums. Poilu comme une guenon, il est en bédaine sur le balcon. Ah ouais, pas le barbec, moi je vais aller au DEP chercher des frettes. Mais le Val vient d'arriver, fait que je vire de bord, j'y donne deux becs. Elle s'est DJ traînée, c'est l'hôtesse de la maison. Les yeux verts, les cheveux roux avec une maudite tête de cochon. Allongé, les grosses dopes tombent en amour, pas de sa faute. Faut craquer qu'ils ont bien fait ça, le petit est drôle comme ça se peut pas. Tantor, c'est le plus fort, il attendrirait le cœur à ma tort. Quand il se prend pour Flash McQueen ou bien qu'il joue au hockey dans le corridor. Et watch tes tibia quand ça se transforme en pirate. 3 ans, un épée de bois, du torque, pis ça frappe. On est du Bani 7 au 21, 76 avec nos gros travails pis toutes nos histoires de baise. On est du Bani heureux, tranquille, on vit quasiment vieux. Des fins de semaine, on laisse une coupe de rire en dessous de nos cernes. La carotte qui se ramène à bisous. tuné toute la semaine. 50 heures dans le punch clock, un gros salaire, c'est pas une question de luck. A quasiment tout essayé, même les ballons sur son nez. Reste rien qu'une petite question, Wester, et puis c'est celle du bonheur. Hey, beau bonhomme, il est pas bête, en plus de ça, il est honnête. Il manque rien qu'une petite bonne femme pour que son petit cœur soit en fête. Il traîne avec la fille aux cheveux de Sean Blay, pis tant qu'à moi, ils ont un drôle d'air d'aller. L'amour, c'est pas évident, s'entendre avec un autre, c'est au stuff, quelque soit, c'est sûr qu'à look la grosse tonne, te fait filer comme un homme. Il me semble que toi, tu marches droit pis à la pince comme un bum. On est-tu banni 7 au 21, 76 avec nos gros travails pis toutes nos histoires de baise. On est-tu ban heureux, tranquille, on vit quasiment vieux. Les fins de semaine ont laissé une coupe de rédance sur de nos cernes. Sophie pleine d'amis, toutes ses cartes à l'appui. De la parleur puis du sourire, 3-4 vies d'un vieux pays. Des centaines de grosses veillées à Hawaii, Amsterdam, ecstasy. Mais le miroir, miroir, qu'est-ce qui fait de l'hostie de cheveux gris? 20 ans de grosse liberté, pas de stress puis pas de rush. Mais la quarantaine a vient de sonner puis pas de bonhomme, c'est un peu poche. Côté trophée, cœur en or, elle fracasse tous les records. Mais comme laver du linge, c'est dole, ben j'y pardonne ces deux bords. Puis si Toto c'était le plus fort, je pense que Vigneault c'est le plus beau. Bonhomme, y'a jamais eu de pio, il croise une bonne femme, il pointe deux flots. Sa jet net Beasonville, quelque part à Shawinigan County. A poigné les hobo blues à 15 ans, ça crée son can après-midi. Des fois que je pense que je comprends ce que son sourire sous-entend. Les gros amours avec maman, mais avec dad, moins évident. On est-tu banni 7 au 21, 76 avec nous. Gros travail pis toutes nos histoires de baise. On est-tu ban heureux, tranquille, on vit quasiment vieux. Les fins de semaine ont laissé une coupe de rédance sur nos cernes. Dans une autre vie, je pense que j'étais un 18 roues. Je buvais du gaz, puis je mangeais des clous. Si j'étais pas un Peterbilt, je devais être au moins un Kenworth. J'ai pris de la bière et Codibi quelque part en banlieue de Perth. Chance que j'ai rien dit, puis que j'ai rien raconté. Leurs histoires, c'est pas de mes affaires. Chez nous, l'amitié, c'est un peu éveillé. On a des grosses histoires d'amour, on parle tort, pis c'est l'eau. Pis quand tu fuck avec la POC, mais pas de chance, pis good luck. On est-tu banni 7 au 21, 76 avec nous. Gros travail, pis toutes nos histoires de baise. On est-tu banni heureux, tranquille, on vit quasiment vieux. Les fins de semaine ont laissé une coupe de rédance sous de mes cernes. Bernard Lamus, c'est la pièce 2176. Tout simplement. Juste ça de même, tu sais. Simplement. Simplement. Simplement. Une longue chanson, quand même. Oui, longue chanson de Bernard Lamus. Oui. Ouais. Quand t'aimes ça, c'est cool pendant 5 minutes. Quand t'aimes pas ça, c'est long pendant 5 minutes. Mais on remercie Alexandre Carignan énormément pour sa chronique Le Temps d'une culture. On la retrouve le mardi prochain, pardon. Mais à son horaire régulier. C'était à 9h. Ouais. Et ensuite au dîner de con avec Denis Janvier. Exact. Sur l'heure du midi pour sa chronique Les comédies d'Alex. Voilà. Yes. Maintenant, toujours Assemblage requis. Dans quelques minutes, on aura Marie-Laurence Audet et sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. Mais avant ça, je vous propose, dans le même genre que Bernard, c'est Sonny Duval. Donc voici un nouvel extrait que moi j'entends pour la première fois. Mais le titre m'inspire. Voici Fou de toi. Assez fou de toi. Hein? Beau petit slogan de merde, ça. C'est fou de toi. Toutes les musiques, une seule fois. Wow. À ton cou pendu, je grimpe. Mais ton cœur est lisse, je glisse. Je chute au ralenti, évanoui. Je suis parti pour urgence, t'es-tu l'ambulance? Parce que je suis fou, fou, fou, fou de toi. Les nerfs vifs, j'ai le sang qui bouille, le cœur qui roule. ça sonne dans ma tête, ça répond. Allô, je décolle. Fou, fou, fou, fou de toi. Oh oui, je suis fou, fou, fou, fou de toi. Je demande ce que tu penses, puis tu me dis second. D'avoir entendu mille fois parce que t'es fou de toi. C'est fou de toi. T'es fou ça, de toi. Ça répète fou de toi. Fou de toi. Fou de toi. Fait que j'imagine la toune s'appelle fou de toi. Non. Étrangement. Ah! Oui, c'est fou de toi. De Céline Duval. Voilà. Yes. Après la pause, qu'est-ce que tu as dit? Auteur, compositeur. Auteur. Par Céline Duval. Oui. Durée 3 minutes 45. Langue francophone. Pause maintenant. Là. CFOU 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Qu'est-ce que vous faites, les copains, à jouer comme ça dans mon dos pendant que je vous écoute pas, là? Back off. Back off? Back off. Back off. Bérof, trop proche de la cible. Oui, trop je trouvais que ça ressemble à ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est eux qui nous ont copié. Oui. on l'a dit avant. Ouais. Super. Super. Pertinent et tout. Donc, il y a toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. C'est toujours Assemblage requis. Et maintenant, ben, on reçoit Angie, pas Anjulie. Hey, excuse-moi. Oh. Wow, wow, wow. Anjulie est morte pour nous autres. C'est fini. Elle est morte. Quoi? Elle revient plus. Mais ça s'en va. Ah, on y a, fait peur. C'est ça. Non, ce qu'on a, c'est... pas ce qu'on a. C'est pas l'objet. Ça va bien matin. Marie-Laurence Audet. Le loisir, bien plus qu'un jeu. Bonjour. Exactement. C'est ton surnom. C'est mon surnom. Chaque fois, on dit « Hey, le loisir, bien plus qu'un jeu! » Je dis « présente ». C'est ça. Et t'es une des privilégiées parce que je suis en train de refaire les intros de l'émission, comme j'ai dit hier à l'émission. Et j'ai travaillé sur la tienne en premier parce que je savais que t'en avais comme pas d'intro. T'en as besoin. C'est un besoin dans ta vie. Chou. Puis je t'ai mis des petits sifflets. Fait voici le loisir, bien plus qu'un jeu. Bonjour Marie-Laurence. Bonjour Mathieu Plante. Marie-Laure, Marie-Laure, comme on dit.

Lavigne des Bois et la pièce Feu Follet. Feu Follet. Quoi? Feu Follet. Il chantait pas de même. Feu Follet! Ça, c'est rock. Ça, c'est rock. On est toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et maintenant, on accueille Julie Cyr. Bonjour, bon matin. Bon matin. De l'événement Arborescence. Ton rôle dans Arborescence, est-ce qu'on peut te nommer d'une certaine façon, mettons? Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Julie Cyr et je suis responsable des communications. Communication. Exactement. C'est pour ça que tu es à D'où la radio. D'où ma présence ici ce matin. Ce qui est quand même relativement logique. Oui. Donc, première question qu'on a à te poser, évidemment, c'est Arborescence. Qu'est-ce que c'est? Arborescence, c'est quoi? Arborescence, c'est très simple. C'est une soirée artistique organisée par les élèves du bac en loisirs culturels, les élèves. Tourisme, oh. Élèves et ou étudiants. Les petits enfants. Hein? Oui. Les amis. Ah! Oui, alors c'est ça. Une soirée artistique, dans le fond, tous les étudiants qu'ils veulent peuvent s'impliquer durant la soirée en présentant un talent quelconque. Ça peut être du chant, de la danse, un talent culinaire. Ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est une belle soirée. Ça se passe au 10-12. Ça se passe demain soir à partir de 6 heures. C'est sous forme d'un 6 à 9 avec 20 fromages. Le tout gratuitement. Oh, hein? Gratuit. Mm-hmm. Ça va à peine. Fromage. Mm-hmm. Fromage gratuit. On aime ça. Fromage. C'est un de mes nombreux talents, manger du fromage. Sauf que j'ai pas le talent de le digérer. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah oh, ouh. On rentrera pas dans le Non, pas tellement. Parle-nous encore. Oh, toi, c'est vrai, il y a juste moi qui ai des questions. Je te pointais comme si t'avais des questions. Là. Oui, c'est ça. Je sais comme pourquoi il me pointe, lui. C'est qui, lui? C'est qui, ce gars-là? Donc, Arborescence, c'est pas la première édition cette année? Non, on s'est rendu la 8e édition cette année. Dans le fond, à chaque année, ça change de comité. À chaque année, on forme un nouveau comité, mais avec des thèmes différents, mais l'objectif reste toujours le même, soit une soirée artistique là, présentée par les étudiants. Artistico, estudiantine. Ouais, ce mot-là. À tendance, ouais. Quel est le thème? Parce qu'à chaque année, il y a un thème pour aborder ça. Oui, comme je viens de le dire, à chaque année, le thème change. Cette année, on a choisi le thème cirque burlesque. Donc, ce sera une soirée inspirée des années 20 et aussi inspirée du film Moulin Rouge. Donc, quelque chose dans le noir, le rouge, dans le sombre, dans le sexy. Donc, ce sera très intéressant. Ce sera très sexy, c'est ça. Qui sont t'invités à cette soirée? Dans le fond, à cette soirée, et là, ce sont les élèves du bac en loisirs qui le font, mais c'est ouvert à toute la population trifluvienne. Alors, on invite tout le monde en onde ce matin qui ne dorme ou ne dorme pas à se présenter demain soir à 6h au 10-12. Si vous ne dormez pas, réveillez ceux qui dorment. Eh oui. Dans votre appartement, c'est ça qu'il faut faire. Et là, un mot pour la fin, c'est quoi? Je te pose la question, mot pour la fin? Fromage! J'avoue que je ne savais pas comment amener cette question. OK, on va te donner un mot et tu vas improviser là-dessus. On y va. OK? Une aparté. Non. Sans la musique. Oui. Donc, un mot au hasard. Un mot au hasard? Oui. OK, attends. 5, 4, 3. Crash. Fromage. Fromage crashed. Du fromage crash. Des tranches de fromage crash. Oh, Mathieu. En forme. Merci. Parce que je me suis dit, année 20, crash économique. Ah, oh, wow. Je suis vraiment allé chercher ça. Trop poussé. Ah, vraiment loin. Tu es trop avec du monde dans l'histoire, toi, je pense. Oui, c'est ça. On pourrait parler de ça autour d'un scotch. Un mot pour la fin? Oui, alors j'aurais plusieurs mots pour la fin. OK, t'as le droit à 5. Oh, 5. Oh, OK, 5. Bon, non, vas-y. OK, on va y aller avec plus que 5. D'abord, je tiens à souligner l'implication des 7 autres membres, puisque dans le comité, on est 8, chacun responsable d'un volet. Donc, je tiens à remercier ces gens-là. Je tiens aussi à remercier les bénévoles qui nous ont aidés, qui vont nous aider aujourd'hui et demain, mais qui nous ont aussi aidés à travers toutes les activités de financement qu'on a pu faire durant l'année. Je tiens aussi à remercier nos commanditaires qui sont l'ADER, soit l'Association des étudiants en récréologie, la radio C'est fou, oh yeah. Le Zone Campus, le bac et maîtrise en loisirs, culture, tourisme, sans oublier la fromagerie, l'ancêtre. Fromage, je savais que c'était un mot-clé. Je savais. Ceci dit, je rappelle avant de quitter que ça se passe demain au 10-12 de 6h à 9h. Il y aura vin et fromage, lait le tout gratuitement. Et des costumes sexy rouges. Des costumes sexy rouges. J'ai retenu l'important, je pense. C'était ça. Malade. Merci, Julie Cyr. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin. Merci, les gars. Plus tu repasses quand tu veux. Oui. On la reverra jamais. Ma chemise est froissée, fait que tu repasses quand tu veux. T'as pas que tu? Oui, c'est chaud. C'est chaud. C'est comme de la vapeur. C'est mon costume. Ta blague. Ah oui. C'est mouillé. Fromage. Fromage crashed. Julie Cyr, directrice des communications et... Responsable. Oh, elle avec responsable. Manipulatrice communicative des mots. PDG des coms. Ouais. C'est ça. À bientôt. Merci. Ça va, ouais. Crash. Ouais. Donc, toujours à l'assemblage requis. Du coq à l'âne. Je me suis fait dire hier que je faisais des bons liens entre les chroniques, puis c'est complètement faux. Ça. Mais là, on aurait pu trouver genre deux morceaux de fromage, comme mettons. Un morceau de robot. Ok. Oka. Du Oka. Oka. Y en a-tu d'autres? Est-ce que tu connais d'autres sortes de fromages que le Oka? Et le Kraft. Ah, ben c'est ça, ben oui, mais punch. Là. Bravo Mathieu. De chèvre. Chèvre, oui. Aïe. Et mozzarella. Je sais pas. Ouais. Je sais pas, Mathieu. Mais ça paraît. Aide-moi. Non. Ok. C'est pour te récompenser pour ton retard par l'intro ce matin. Une minute, puis j'en mange. Ouais. J'en mange du froum. Du froum. Ça, c'est ton froum. Le terme pour du fromage, c'est froum. On avait dit froum frais. C'est un beau. Froum frais. Un beau terme. Oui, aussi. C'est vrai. Ouais. Bon, mais ça va faire. Ouais, écoute, je me mets là-dessus, ok. Type de fromage. Oui, je reviens. Sans moi des réponses pour la prochaine intervention, ça va être fascinant. Fascinant. Et donc, pour trouver du fromage, tu pourrais crier Maman! Voici Mother de Seth Dowell. C'est un lien. Tu vois, j'essaie de faire des liens, man. C'est pire que les miens. Sois reconnaissant. Test my reach. Adopt some ugly habits that are bad for me, and treat some others not so equally. If I thought I'd be well, it's clear to me that things are gonna change like 100 degrees. If I thought I'd be well, it's plain to see that things are gonna change like 100 degrees. Don't tell my mother. Don't tell my mother. Don't tell my mother till I pull myself together. Me to recover. I hope forever. Opportunity that I need. Cover. I hope forever. Au retour, arrête avec tes questions à Assemblage Rocky. Oh. Mais pour l'instant, c'est l'info campus. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis en ce mardi 19 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui. Et tout à l'heure, on va voir Arrête avec tes questions. Oui. Parce que toi, t'en as des questions. Ah, ça me brûle. Est-ce que t'en as une sur le fromage? Non, je pense pas. Ah, ben, peut-être. Peut-être, hein? Peut-être qu'on pourra faire un lien avec le fromage tantôt. On verra. Peut-être l'émission fromager. Oh! Ça, il y a des gags cheesy de ma part. Oui, cheesy. Mais avant ça, voici quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, poilu. Voici Fur Trade et Voyager sur C'est fou. Trade, la pièce Voyager à Assemblage requis. Maintenant, Jean-Philippe, je suis brûlé. Mais dans le sens de... J'en peux plus. Ça brûle. T'es plus capable? Yeah. Ben arrête! J'ai des questions! Arrête avec tes questions! On peut pas tout savoir non plus. Bah non, autres. Mais on peut essayer, par contre. Oui, Mathieu. Oui. Est-ce que tu as des questions à me poser, Jean-Philippe? Vas-y au hasard avec ce qui tourne autour de la Terre. Oui, un peu ce qui est là. Je veux savoir, Mathieu, comment... tu sais, les facteurs. Oui, mettons. Mettons, là, les facteurs, quand tu écris une lettre, c'est pas tout le monde qui prend le temps de faire une belle petite étiquette informatique. Pis tout oui, tout. C'est ça, avec l'imprimante et tout. Comment ils font pour pouvoir toujours lire? Quand tu écris mal, quand mal, mettons, oui, c'est ça, quand tu l'écris à la main. Ben, c'est une très bonne question, ça, Jean-Philippe. Oui. Félicitations. Merci. Donc, on dit qu'à chaque année, le service postal américain envoie environ 160 milliards de paquets et de lettres. Et la plupart de ce courrier-là, 98%, est organisé automatiquement par des machines. Des marins. Des marines qui utilisent des lentilles optiques avancées pour comprendre chaque adresse. Mais les machines ont un défaut. Par contre, l'année passée, ils ont pas réussi à lire 2,4 milliards de lettres et de paquets à cause de mauvaise écriture. Donc, votre mauvaise écriture, par contre, crée de l'emploi. Selon le New York Times, plus de 700 personnes qui sont basées à Salt Lake City vont être engagées pour comprendre les lettres, les enveloppes qui sont mal écrites. Ils opèrent 24 heures par jour, 365 jours par année. Et chaque personne passe environ 20 lettres par minute, ça veut dire 1200 lettres à l'heure. Quand même! Il faut du talent. Si une personne perd plus de 30 secondes à comprendre une adresse, la lettre est envoyée à quelqu'un d'autre qui travaille plus rapidement que lui. OK. C'est quand même... c'est chien un petit peu pour la personne. 30 secondes. Ah, désolé. On va le faire. Passer rapide. Par quelqu'un de meilleur que toi. Et donc, quand il y a une machine donc, qui va découvrir une lettre qui est illisible, ça va la scanner, ça va l'envoyer en JPEG, là, genre en image numérique à Salt Lake. L'image va arriver sur l'ordinateur de quelqu'un et avec l'aide d'un logiciel spécial et beaucoup de connaissances géographiques, la personne va taper les lettres qu'elle est capable de reconnaître. Donc, c'est vraiment lettre par lettre. Ça, c'est un L, ça, c'est un F, etc. Et par processus d'élimination, ils vont continuer de creuser jusqu'à temps qu'ils trouvent une adresse valide et le système va ensuite confirmer que ça match entre le nom, l'adresse et le code postal. Wow! Et quand même assez incroyable. Et souvent, les personnes qui travaillent dans ce domaine-là peuvent réussir en dedans de 3 secondes de déterminer l'adresse de la personne. À vous, exactement. Wow. 20% des nouvelles personnes qui sont engagées pour faire ce travail-là démissionnent en dedans de 5 semaines parce que c'est vraiment beaucoup de travail selon le Wall Street Journal. À chaque année, 200 millions des lettres les moins bien écrites vont finir dans une équipe, ce qu'on appelle le peak and poke. Donc, c'est un travailleur postal qui va y aller vraiment à la main, complètement, sans ordinateur, okay. Sans scan. Donc, c'est vraiment les lettres physiquement dans leurs mains. Et s'ils n'arrivent pas à traduire ça, on appelle ça des Nixies, N-I-X-I-E-S. Et la lettre est envoyée donc à des derniers gourous. Donc, c'est vraiment les Nixie Clerks. Ça, c'est encore au-dessus des peak and poke qui allaient à la main. Donc, c'est vraiment des professionnels de ça. Et après ça, ça va finir dans des bureaux de dead letter, donc des lettres mortes. Et puis, si jamais ça se rend jusque-là, ce qui arrive très rarement, ils vont vendre aux enchères les objets dans les paquets et la correspondance, donc le papier, elle va finir dans une déchiqueteuse. Wow! Je trouve ça vraiment fascinant. Incroyable. C'est très cool. On est loin du... je pense que c'est elle. Donnez-moi un L! Est-ce que je peux acheter une voyelle? Oui, voyelle. J'en ai 28! intéressant. Ouais. Quand même, un service postal... Impressionnant. Ouais. Ben, ça, c'est aux États-Unis. J'imagine qu'au Québec, c'est relativement la même chose. On est toujours pareil. Ben oui, c'est ça. Façon. Puis, ils ont dû avoir des façons de faire hein, qui doivent être similaires. Et voilà, c'est prouvé que ça marche bien. C'est sûr. Voilà. Petite autre question, Mathieu. Tu sais, tantôt, juste avant qu'on rentre en onde, ouais. J'avais une voix rauque. C'est vrai. Puis là, j'étais là, do, do, do, do, do, do. Puis là, je faisais mes vocalises. Mi, mi, mi, oui, mi, mi, puis là, j'ai fait do, ré, mi. Oui. Puis, ben pourquoi? Pourquoi Do-Ré-Mi? Ben parce que c'est fou! Ben oui, je sais. À part être un bon fromage, le Do-Ré-Mi. Ah, c'est pour vrai, je savais pas ça. Ah, c'est ton lien avec le fromage. On cherchait un lien avec le... Oui! Donc, ce qu'on appelle la solmisation, d'accord? C'est la pratique de donner des syllabes à différentes, dans le fond, différentes notes. Ça vient de l'Inde antique. Donc, si on avance après ça, quelques milliers d'années plus tard que ça, c'est Isidore, le Archbishop of Seville. OK? C'est en français, on se fout un petit peu de ce que c'est, mais bref. Donc, pendant le 6e siècle, il disait qu'à moins que les sons, à moins qu'on se rappelle des sons, dans le fond, qu'on puisse les noter sur papier, les chansons vont mourir. Oh. On ne pourra pas les écrire. Donc, un moine bénédictin, qu'on dit en français, je crois, qui était maître comme les œufs, qui était maître de la musique, il s'appelait Guido d'Arezzo, a commencé à travailler justement pour empêcher qu'on perde ces chansons-là. La plupart des chants grégoriens qui étaient populaires à l'époque pouvaient être appris par les chanteurs s'ils pouvaient se souvenir de la progression donc des notes et associer ça avec des mots. Donc, ils ont donné des lettres. Donc, C, D, E, F, G, A, B, C. Les syllabes sont Do, Ré, Mi, Fa, So ou Sol en français. La, Si, Do. À l'origine, c'était... C'était donc, c'est ça. C'est, les gens pensent que c'est saut, mais c'est sol, même en anglais. Moi, je pensais que c'était le contraire. Je pensais qu'aux États-Unis, c'était saut et qu'en français, on disait sol. Ouais. Mais en anglais, c'est aussi sol. C'est juste que les gens, vu que le sol et le la se suivent, en anglais, c'est plus. Ça vient comme se fusionner ensemble. Sola. Ouais, okay, c'est pour sola. Ça. Ok, ouais, je comprends. Ouais, c'était pas seulement des sons au hasard qu'ils ont choisis. Ça vient de Out Quant Laxis. Et là, ma prononciation est comme toujours minable. C'est une hymne donc très connue du Moyen-Âge. Chaque réplique, chaque ligne de la chanson commençait une note plus haute que celle d'avant. Donc, littéralement, une note exactement par rapport à l'autre. Donc, Guido a utilisé les premières lettres de chaque mot, de chaque ligne. Donc, UT, UT, Quant Laxis, Ré, Sonare, Fibris, Mi, Ré, Gestorum, Fa, Muli, Turum, etc., etc., etc. Et finalement, on a décidé que UT, dans UT Quant Laxis, était trop difficile à prononcer. Donc, on l'a changé pour Do. Oh. Mais au départ, ça aurait dû être UT, Ré, Mi, Fa, Sol, Acido. UT. Pas Do à la fin. Ouais. UT, UT, UT, UT, UT, Ready, set. Voici un joueur de football ouais. Lors du Do, Super Do, Bowl. Do, Do. Maintenant, c'est ça. Exactement. Oh voilà. Là là. Ah, ben intéressant. Fort, oui. Fort intéressant. Là, on va sauter du coq à l'âne. On aime ça. Oui, parce que, tu sais, Mathieu, les légendes urbaines. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a sur. Je sais pas si tu as déjà vu les vidéos des gens qui se font piquer par des araignées. Non. Non, t'as jamais vu ça? Ben, tu me le dis vague comme ça, je sais pas. Ben, écoute, peut-être. Je sais pas. J'ai déjà vu ça sur YouTube. Sur les YouTube. Quelqu'un qui se fait piquer par une araignée, puis là, genre, ça vit dans ton bras. Hier. As-tu vu celui qui se pète un gros point noir, puis il y en a qui font des kilomètres, genre? Oui, c'est ça, les gars. C'est la même chose. Ça fait le même concept. Yeah. Fake. Fake. Fake. Mais ce qui n'est pas fake, non? C'est quand on dort. Ça a l'air qu'on peut manger des araignées. Ça a l'air. Mais par inadvertance. C'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai de répondre à ça, moi. Parce que j'ai vu, je pense que c'est sur Internet ou une émission de télé, que les gens, c'est une vraie phobie. Il y a des gens qui dorment avec des masques. Ah, pour non! Être certain. Pour vrai? Ouais. Fait que, est-ce que c'est vrai? Mais ça va rentrer ailleurs. Entre les feux. Donc, si tu manges un tel nombre, dans le fond, que tu vas manger, c'est ça, un certain nombre d'araignées dans ta vie, ce fait-là, elle change tout le temps, genre, dépendant de à qui tu le demandes. Il y en a qui ont lu que ça va être, bon, 3 araignées par année, l'autre, ça va être 8, donc ça va être plusieurs douzaines par jour, je sais pas trop quoi. Mais si tu as quelqu'un qui connaît les araignées, tu vas savoir que finalement, c'est zéro, pas mal. Mm. Donc, Rob Crawford, le curateur des arachnids, je lis mal mon affaire, là, mais c'est lui qui s'occupe des araignées et des bestioles comme ça. Arachnide. C'est ça? Je sais pas. Je pense que oui. Je suis pas sûr. Donc, au Seattle's Burke Museum, voilà, et c'est un amateur d'araignées. Il dit qu'avaler même juste une araignée dans ton sommeil, c'est très, très rare que ça arrive et même que les facteurs sont pas mal contre toi. Si tu veux que ça arrive. Premièrement, il faudrait que ta bouche soit ouverte pendant la nuit. Mm-hmm. C'est quand même assez rare. Ensuite, il faudrait que l'araignée soit dans ton lit. Donc, d'habitude, un lit bien fait va peut-être avoir une ou deux araignées dedans par année, gros maximum. Genre, ça, c'est si t'es malchanceux. Et la plupart des gens roulent dans leur sommeil, donc changent de position et tu vas souvent soit tuer l'araignée ou encore juste lui faire peur. Ah. Elle s'approchera jamais de ta figure, de ton visage. Puis, de toute façon, j'imagine que tu respires. Si c'est de la bouche ouverte, c'est que tu respires. Et c'est le prochain effet, c'est que il faudrait que ça entre dans un orifice qui dans le fond, sort de l'air chaud. Donc, c'est que ta bouche produit de l'air chaud et essaie de souffler sur une araignée, elle n'aimera pas ça. Donc, c'est sûr que si tu respires, que ce soit par le nez ou par la bouche, c'est de l'air chaud et l'araignée n'aimera pas ça de toute façon. Et enfin, il faudrait que tu avales ton araignée pendant que tu dors et l'humain avale pas automatiquement n'importe quoi qui est dans sa bouche. Si c'est quelque chose de tu peux pas juste avoir quelque chose dans la bouche et l'avaler comme ça, c'est pas un réflexe que l'humain a, genre. Donc les chances sont incroyablement petites. Lui, le docteur dont on a parlé en début d'article, n'a jamais vu ou entendu parler d'une seule personne qui aurait eu une araignée dans sa bouche pendant la nuit qui l'aurait ensuite avalée. Et ils ont fait des études, des tests pour ça. Donc lui, il a jamais entendu parler de ça. C'est un docteur puis c'est un fan d'araignée. Oui. Voilà. Avez-vous déjà mangé des araignées? Oh, jamais entendu parler de ça. Sauf une fois au chalet. Sauf une fois, c'est ça. Vieux gag de 10 ans, on ressort les gags. Ouais, ben c'est correct. Des fois, il faut les ressortir. Tu connais pas tes classiques? Ben oui, c'est ça, c'est important. Puis là, il y a toujours quelqu'un qui le sait pas, puis il est comme, ah ben c'est ça, bienvenue sur les internets. Hein? C'est ça, bienvenue en 2007, 8, 6, 6 peut-être 6. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 2006 et une scène. Une scène, oui. Oui! Là, Mathieu, là, tu vas pouvoir vraiment... J'ai vraiment hâte que tu okay. me répondes à cette question-là. Y a beaucoup d'utilisateurs de iPhone, ouais. iPad. iOS, iPod Touch. Ouais, tout ce qui est quelque chose. Le nouveau iOS est reconnu pour sa batterie. Oui. Hein? Ça brûle la batterie. Ça dure moins longtemps avec iOS 7 que 7 qu'iOS 6. Puis là, beaucoup de gens sont devenus genre fans de toujours fermer les applications. Tout le temps, tout le temps. Et c'est rendu plus facile qu'avant. Avant, il fallait que tu... Oui, double-clic. Double-clic et ensuite que tu fasses X à chaque affaire. Puis le X, c'était tout petit. Mais maintenant, c'est juste que tu dragues la carte vers le haut. Vers le haut. Vers le nuage. C'est ça, de chaque application. Est-ce que c'est vraiment utile? La réponse rapide, genre, pour ceux qui veulent pas écouter le reste, là, non. C'est pas utile du tout. C'est pas utile du tout. Et mon. T'économiseras pas de batterie si tu fais ça? Ben, quasiment pas que ça vaut pas la peine. Je connais quelqu'un qui est vraiment rendu obsessif. Là. Aussitôt qu'il vient de fermer une application, il est tout le temps en train de double-cliquer et fermer tout le reste. Tout le temps, ça en est rendu obsessif. Et pour vrai, il faut absolument que vous vous calmiez avec ça. Okay. Donc, c'est vraiment une des questions les plus demandées et la courte réponse, c'est que non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Le multitasking qu'on appelle sur les appareils iOS, donc sur les appareils qui sont portables et non pas les MacBooks, là, avec les Mac en tant que tels ont des applications qui vont rester ouvertes. Même là, ça a changé récemment, c'est rendu pas mal moins pire que c'était. Mais sur les appareils comme iPhone... Le multitasking, c'est plus un mot qui est utilisé pour le marketing. C'est pas vraiment un terme technique parce que c'est pas littéralement du multitasking. Donc, la plupart du temps, ça va pas laisser de processus à l'arrière-plan en train de fonctionner, ce qui est d'habitude ce qui mangerait la batterie. Okay? Donc, la plupart des applications, quand tu quittes ou que tu changes d'application, parce que tu peux juste y aller une application à la fois, tu peux pas mettre deux applications côte à côte. Donc, la plupart des applications, quand tu sors, vont sauvegarder leur état. Donc, leur état comme ce que tu étais en train de faire à ce moment-là. Où est-ce que tu es rendu? C'est ça. Et ça va les mettre en mode sommeil. Donc, si tu joues à un jeu, tu es dans paramètres, n'importe quoi, et que tu appuies sur le bouton Home pour revenir à la page d'accueil et que tu changes d'application, ça va savoir où tu étais sans continuer de le faire, ce que tu étais en train de faire. Okay? Donc, quand tu vas retourner à l'application Settings, mettons, ça va revenir. Et souvent, ce que tu remarques quand tu as fait plusieurs changements d'application, c'est que l'application va être à son ancien état et va s'actualiser. Tu vas comme voir un fade qui va arriver. Ça, c'est parce qu'il est en train de se remettre à jour parce qu'il s'est passé des choses pour lui, mais qu'il n'a pas eu le temps de les compiler puis de les faire pour prendre de la batterie. Donc, il est rendu à aller faire ces affaires-là. Donc, il va faire un genre de petit refresh. Donc, ça veut dire que la plupart des applications, tu n'as pas à les effacer. Par contre, même si tu es obsédé, donc voici quelques petites obsessions pour peut-être justifier ton obsession. Justification de ton obsession, c'est ça. Donc, entre autres, parmi les applications qui restent en fonctionnement, dans le fond, en fonction, c'est les audios en streaming comme Pandora ou d'autres applications comme Mais ça, c'est normal. Ça joue. C'est exact. Donc, c'est logique. On s'y attend. Ouais. Ensuite, les applications de discussion vidéo comme Skype. OK. L'application, la personne est encore là. Ensuite, la navigation GPS style comme, mettons, TomTom ou Apple Maps. Donc, évidemment, il faut qu'ils te disent où aller. Tout est logique là-dedans. Oui, quand même. Les trucs que tu étais en train de faire, mettons comme uploader une photo. Il n'y a pas le choix de continuer d'uploader la photo sur Facebook. Ça donc, aussi, ça reste logique. Ça reste logique, mais après avoir uploadé la photo, ça retourne en mode sommeil. Donc vraiment, c'est les seules et uniques exceptions. Le reste du temps, c'est en mode gelé. Donc même si tu as 35... Les gens pensent vraiment, et ça, Apple devrait faire un meilleur job là-dessus, mais les gens pensent vraiment que les 35 affaires quand que tu double-cliques sur ton bouton, que ce sont des applications qui sont en train de fonctionner puis qui prennent ta batterie. Ben moi j'étais certain que ça. Un peu comme quand tu mets en veille un ordinateur, tu te dis, c'est parce qu'il est plus rapide à redémarrer. Fait que l'application, elle run même ne serait-ce qu'un tout petit peu pour être prête au cas où. Prête à être ouverte. Oui, ben, sur un PC, ça a du sens. encore là, ça dépend. Mettons, je sais que sur Mac OS X, ça fonctionne pas comme ça. Il y a un mode aussi de sommeil. J'avoue, sur les PC, la plupart, quand les applications sont ouvertes et prennent du processeur. Donc, faites attention à ça. Mais sinon, ne pensez pas à ça aussi souvent que vous le faites. Ouais, ça devient obsessif. Ouais, moi, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que l'application Siri gobait quand même beaucoup de batterie, mais je sais pas si c'est en l'activant. Moi, on m'a dit de la désactiver, tout simplement. Non, OK. On m'a dit éteins Siri. Ça va gober moins de... j'arrive pas à comprendre pourquoi. Siri fonctionne seulement quand tu lui demandes de fonctionner, quand tu lui poses une question. Sinon, il n'y a aucune raison. Puis moi, sérieusement, je veux dire, que je fasse absolument rien sur mon téléphone ou que je fasse quand même relativement pas mal de choses, mon téléphone dure minimum... La même affaire. Je le débranche de chez nous à 6 heures à peu près le matin et j'ai encore de la batterie quand je vais me coucher ou sinon, peut-être une demi-heure avant, je le branche. Mais ça fait toute la journée au complet. Les gens qui sont là puis qui branchent tout le temps leur téléphone dans leur ordi pour pas qu'ils ferment, etc. C'est parce que vous êtes vraiment, mais vraiment beaucoup dessus ou que vous avez activé beaucoup de push notifications. Ben ça prend, c'est ça surtout c'est ça. Qui prend de la batterie. Les push notifications, c'est quand votre Facebook est seté ou votre Twitter pour vous envoyer en temps réel les messages. Ce qui se passe. Ben oui. Ça prend de la batterie. La plupart du temps, tu peux juste aller voir sur l'application. Quand ça tente, là. C'est ça. Ou sinon, il y a la différence entre push. Push, c'est que quand tu as une nouvelle affaire, ça te pousse l'information. Ouais. Et l'autre façon, c'est genre pull, où à chaque 15 minutes, il va aller vérifier s'il y en a, puis lui, il va te le dire. Okay. Ça prend moins de batterie, donc vérifie les paramètres. Voilà. Bon. Cool. Ça va être tout pour arrêter avec tes questions. D'accord. Ça va être tout. On en saura plus sur peut-être les brunchs une prochaine fois. Ben, peut-être tantôt. Peut-être tantôt. Mais avant ça, on reçoit très bientôt Mathieu Roy. Max. Mathieu Roy. Je sais pas pourquoi je voulais t'appeler Max. Salut Mathieu Roy. Bonjour Mathieu Plante. Ça va bien? Maxime Plante. J'avais peur de me faire appeler Max Power. Pourquoi ma référence c'est, à... C'est qui? Max Power? Ouais, ça c'est... Get Smart? Non, c'est... Vas-y, dans, Mathieu Pattin. James Bond? Non, Max Power? James Bond. Je vais dire James Bond, non. C'est encore plus 30 minutes que ça, mettons. 30 minutes? Une sitcom? Max Power. Moi, ouais, la seule chose que je vois, c'est ça, ici, c'est... Des Simpsons! Des Simpsons. C'est-tu... C'est un nom que Homer Simpson s'était donné. OK. Pour reprendre du prestige, puis qu'il avait réussi à monter dans le cadre directionnel de l'usine centrale nucléaire à Springfield. Yeah. Je vois que vous connaissez peu votre histoire. Malheureusement. Je suis juste en retard de peut-être 28, 29 saisons des Simpsons. Oh, yeah, je... Non, je croyais fan. Les premières saisons, je l'écoutais beaucoup quand j'étais jeune, mais ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas grand épisode à ce moment-là. Fait que... Maintenant, là, si je voulais me rattraper, j'en aurais beaucoup à regarder. Ouais. Okay. Il est jamais trop tard, Mathieu. Jamais trop tard. Est-ce qu'on prend une petite pause musicale avant ta chronique? Ça te tente-tu? On aime toujours la musique? Yes. Mais où est passée la musique? Elle est dans les mains à Mathieu. On écoute Léa dans les magazines de panache, puis après ça, c'est la chronique de l'AGE UQTR. Reste. Chante bien, en plus. C'est beau! Retour de la collègue de la GUQTR, mais je pense qu'on va prendre la pause tout de suite, ça va être fait. On va pouvoir jaser après ça. OK. Blablabla. Rassemble un qui pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à l'assemblage requis avec Jean-Philippe Charbonneau. Un deux test. Oui. Testing, oui. Et hein, Mathieu Plante. La voix mielleuse de Jean-Philippe Charbonneau. On a tous une voix, on dirait, bizarre. Un matin, il y a Mathieu Roy aussi. Allô. Allô, il chantait tantôt, c'est peut-être juste ça qui fait que ça a l'air bizarre. C'est peut-être sa voix normale quand il parle, mais... Hey, c'est pas fin, ça. Non, c'est un petit peu chiant. Mais on a pris la pub à l'avance pour pouvoir vraiment avoir du temps avec toi, du temps de qualité, tu sais. Mais ça, j'apprécie votre sacrifice, les boys. Ben, sérieusement, je me sens comme chez moi ici dans votre studio. Tellement que vous êtes des bons hôtes pour recevoir les gens. D'ailleurs, je suggère à tout le monde d'avoir au moins une chronique assez. Au moins une chronique. Au moins. Pour chacun des 13 000 étudiants, s'il vous plaît. 10 500, excuse-moi. Ouais, 13 000, c'est comprenant les hors campus. Ah ben, eux autres, ils auraient raison d'arriver en retard, mettons. Ah, justement, ça m'amène à un bon point. T'es arrivé à l'heure aujourd'hui. Oh, j'aimerais que ça soit inscrit sur le grand calendrier de l'émission. Nombre de fois qu'il est arrivé à l'heure. Une. Jusqu'à présent, c'est quand même le cas. S'il y a un compliment, ça vient avec une pin après. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Qui pinera vers eux? Lapinou! Depuis que tu t'es mis au latin, là, t'es tellement pris en culture. C'est incroyable, hein? Je suis devenu culturé, ça n'a même pas rapport. D'après moi, ça pousse en dedans de toi. Pousse de la fonte pour oublier la honte. Pour oublier le latino. Toi, ça me donne envie de chanter. Ah, pousse de la GEQTR! AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEQTR parce que la GEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo! Alors, welcome in the hood, brother. Yeah! It's Matthew the King! Uh-huh. Bonjour à toi, Mathieu Roy, président de la GEQTR, la GEQTR. Ouais, des fois, je sais pas comment le prononcer parce que quand j'entends la chronique, j'ai juste les lettres qui se mêlent. C'est ma faute. Comme j'écris très mal à l'ordinateur, ben souvent, c'est de même que je l'écris. Est-ce qu'il faudrait engager des travailleurs postaux pour comprendre de ton écriture? Flash! Callback! Oui, j'aurais peut-être besoin d'avoir quelqu'un d'attitré avec moi pour faire mes apparitions écrites. Toi qui manie si bien les esclaves à la GE, n'est-ce pas? T'es travailleurs sociaux. Esclaves. Non, on appelle ça des bénévoles maintenant. L'esclavage a été aboli. Ah oui, c'est ça. Oh, wow! Ben, parlant de ça, tantôt, tu vas l'épiner un peu, donc on garde ça pour plus tard, c'est ça? Ah, tel quel les salariés. D'accord. On va commencer par contre avec le présent, et ce soir, c'est l'activité La Fureur. Oh oui, La Fureur. Véronique Cloutier, qui a cancellé à la dernière minute, elle vient juste de m'envoyer un texto, d'ailleurs. Mais elle sera remplacée par nul autre que Marie-Laurence Audet. Oh! On la connaît vaguement tantôt de sa chronique, Le loisir bien plus qu'un jeu. Ça me dit elle a vraiment chose. Ça comme titre de chronique. C'est le nom de sa chronique, oui. Ouais. J'espère au moins qu'elle arrive par tard. Non, mais Marie-Laurence est très, très structurée, mettons. C'est une des fiables, tu sais. Et dans le top 2. C'est une blague, c'est épine. Quand tu dis l'une des fiables, ça veut dire que tout le monde ne l'est pas. Ah, vous supposez ce que vous voulez. Ben, le co-animateur arrive une minute en retard. Puis il se le fait dire, tu penses? Oui, j'allais chercher un café. Il était parti chercher un café pendant que je faisais l'intro de l'émission. T'sais, l'intro, c'est comme la place où on jase le plus, JP puis moi. Après ça, on se parle plus de l'émission. Puis il est pas là pour l'intro, comment? Ouais, dans le fond, juste les personnes que vous invitez, c'est juste pour... fuck, là, faut pas qu'on parle juste ensemble, moi puis lui. Là, ben, ça, ça. Pas. T'sais, on travaille dans le même bureau, on travaille dans le même studio. Ça devient lourd. Ça devient lourd. Les gens pourraient se poser des choses. Là. Oui. En même temps, tu sais, t'as un conflit médiatique avec les zones campus. J'écris aussi. Pis des fois, j'ai une tasse de l'AGE, fait que les gens pensent que je travaille pour l'AGE. Fait que de conflits d'intérêts, puis ça s'arrête plus. Hein. Mm-hmm. Ouais. Bref. Hey. Mais la fureur. Les gens devaient s'inscrire jusqu'à vendredi, donc il reste peut-être certaines places. Je vous invite à communiquer avec Marie-Laurence à vpsociaux.age@qtr.ca. Si toutefois il reste des places, si vous voulez vous inscrire, juste venir voir, ça va être encourager. À la chasse-galerie à la 19h30. On peut encourager ou décourager certaines parties. On y va selon nos goûts, nos choix, hein, dans le fond. Ouais. La sélection se fait. La sélection naturelle. Oui, ouais, c'est ça. Darwin a toujours été présent, d'ailleurs, aux activités de la GM. Ouais. On l'appelle pas, c'est pas Darren, c'est G-String? Tyler! Wow! C'est son nom, essayez ça. Comment t'as pu... Mon cerveau, hein. Vous avez entendu le processus dans mon cerveau, là? Ça a été incroyable, ça, Mathieu. C'était live, en plus. Wow! C'est ça. Je veux réentendre ça. 9h01. Merci. Mais... En gros, c'est pas mal les activités qui arrivent. Il va y avoir question pour un champion au début décembre. Il n'y a toujours pas d'événement Facebook officiel, mais ça va être la prochaine activité de grand déploiement de l'AGE. Mais c'est vraiment ce soir, la fureur, le quiz musical, que ça va avoir lieu. Tout est prêt, tout est seté. Vous connaissez Marie-Laurence, c'est fait d'avance. Mm-hmm. Tout est bien préparé. On aime ça de même, c'est le fun. Puis même l'événement Facebook me dit qu'il va faire zéro ce soir. Wow! À 19h30. Zéro. Parce que maintenant, c'est vraiment important de mettre ça sur Facebook. Pour qu'on y aille pas, hein, quand il fait pas beau. Ben oui, c'est vrai. Hein, des fois, c'est... Ouais. Mais je cache pas vraiment le but de mettre la température sur un événement Facebook. Ça remplit un blanc. Ils aiment pas ça, les espaces vides, ouais. Je trouve, sur Facebook. Mais comme ça, tu sais, si tu dois prendre ton parapluie. Les commentaires vides, eux autres, ils font quoi pour... Oh! C'est drôle! Elle est très bonne. Oui. C'est même intelligent, je dirais. Oui. En tout cas, on va noter. Mais ça, il y a comme un lag entre les deux, tu sais. Oh, on n'est pas les espaces vides, là, mais les commentaires qui veulent rien dire, on aime ça un shit. Ah shit, c'est ça que t'as dit? En chien. En chien. En chien. Tu sais, moi, quelqu'un qui pose sur Nine Gag au moins 40 fois par jour, c'est vraiment important. Pas dans les heures de bureau. Oui, ben c'est ça. En tout cas, mais ça. On y reviendra. Hein? Ouais. Oui. Mais un autre sujet, là, je voudrais faire un petit retour. Je suis un peu en furie. Là. Je vais m'exprimer. Oh! J'aime mieux avoir un auditoire. T'sais. Je me suis dit tant qu'à créer mon sac et aussi donner une vidéo à plusieurs. Est-ce que je t'entends dire que tu veux chialer? Moi, je pense que j'ai entendu dire que tu voulais chialer. C'est pas sûr? Ouais. OK, parce que quand on chiale ici, là, on dit qu'il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite de t'as pas joué. Tout le temps de quoi? Mais j'aime ça, il parle du temps, tu sais. Celui qui arrive en retard, en avance, c'est comme Facebook. Que c'est un hasard. C'est vrai. Bon point. Mais donc, chiale-nous. Le carnaval. Oh! On a eu le dévoilement la semaine dernière. Je sais pas si vous étiez tous présents. Oui, moi j'y étais. Non. Oui, OK. Le thème général, c'est les années 90. Et les sous-thèmes sont des jeux des années 90 qui parfois sont issus des années 70. On n'en parlera pas trop là, quand même. OK. Mais c'est quand même les. Correct. Mais est-ce que les jeunes des années 90 ont connu dans les années 90, ça peut être tout ce qu'il y avait avant? C'est ça, le propos de la coordonnatrice, ça a été ça. Puis tu sais, je l'accepte parce que tu sais, elle est capable de le défendre, celui-là. OK, parfait. Mais par contre, là, elle assume pas ses humoristes. Elle veut avoir des humoristes actuels. Ben là. Ah. Mais là, c'est pas le même humour, là. Moi, j'ai dit, regarde, c'est Jim Carrey. Ben oui! Jim Carrey. On veut Ace Ventura 1 puis 2 passer en boucle tout le long du carnaval. Il y a de quoi qu'on comprend pas. C'est sûr. Tu sais, on pourrait rester au Québec, mettons, des humoristes des années 90. Là. Qui est-ce qui aurait pu être invité, mettons? Lise Dion. Ouais. Il était très 90. Je pense que JP dirait Jean-Marc Parent. Oh! Je peux même plus m'exprimer. Je m'en allais tellement dire Jean-Marc Parent. Donc, je vais t'aider. Claudine, merci. Telle qu'elle, elle essaie de faire un retour. Elle tranche un peu envers sa décennie. Alain Dumas. Je te laisse parler. Vas-y. Alain Dumas, OK. C'est un humoriste, lui? Mais il a déjà fait des mots. Ben, s'il a fait rire Mathieu, ça le considère comme un humoriste. Fait que je sais pas trop, j'ai de la misère un peu. Je pensais qu'il avait juste des grands bras, lui. Hein? Ben, il a vraiment des grands bras. Parce qu'il animait... C'est pas lui qui animait Flash? Ouais. Il animait Flash debout, puis il avait vraiment des grands bras. Il arrêtait pas, là. Je sais que tout le monde faisait des gags avec ça. OK. Et pendant que je défile... Je pensais que tu parlais de Mathieu Plante au début. Ah, merci. Là, voyons, il y a des vrais normal. Fait que t'as besoin d'Internet pour trouver les humoristes des années 90. Là. Non, pas Stéphane tout. Rousseau. Ben oui, c'est ça. Oh, lui qui est là. Ouais. Mais mettons, un qui a fini dans les années 90, puis qui a commencé avec l'humour... Yvon Deschamps. Oui. Yvon Deschamps qui a fait un bref retour. Hein. Quand est-ce que je l'ai vu? Je pense que c'est à la disque, à l'hommage. Yvon Deschamps, il s'est déconnecté hein, de tout ce qui est médias et de sociaux. De tout ce qui n'a jamais été connecté. Oui, non. De tout ce qui est vie artistique, là, il a fait moi, là, je m'en vais à la retraite, laissez-moi tranquille. Puis je pense que c'est la première fois que je le revoyais depuis 5-6 ans. Hein. Ah ouais? Depuis qu'il a accroché son manteau. Depuis qu'il est avec Julie. Oui. Voilà. OK, ouais. Yvon Deschamps. Vas-y Mathieu, c'est à ton tour. Ah oui, j'en avais d'autres. J'en ai nommé plein, je te dirais, à date. Là. Mais bon. Qui d'autre? Celui avec Miss Jagger, Madame Jagger. Sol. Lui, il m'énerve trop. Là. Ah, c'est Stéphane Rousseau encore. Ça. C'est Stéphane Rousseau. Je l'ai tellement, j'ai mentionné deux fois. C'est trop pareil. Comment il s'appelle? Michel Courtemanche. Oui! Ah, exactement. C'est oui, ça. Okay. Ah, Daniel Lemay. Daniel Lemay. Daniel moi, c'est Daniel Lemay que je cherchais. Oui. Mais Michel Courtemanche, c'est une bonne prise. Ben, Michel Courtemanche, c'est Bobinette, il me semble. Non. Non. Bobinette, c'est le gars des Bleu Poudre, là. C'est, oui. Voyons, c'est qu'on demande aux recherchistes de l'émission de trouver qui faisait Bobinette. OK. Ah, c'est drôle, c'est les animateurs. C'est les deux. C'est comme si on était tout seul là-dessus, tu sais. On dirait qu'on cherche. On dirait. Bobinette. Ah non, c'est long. En tout cas, je vois ça. Ghislain Tachereau. Ghislain Tachereau. Ghislain, j'aurais pas dit lui, c'est bizarre. Tu vois, les recherchistes qui animent en même temps, hein, ça donne un petit 10 secondes de blanc. Oui. C'est Facebook qui aimerait pas ça, il me mettrait la météo d'en face. Météo. Oh, il fait 0 degré. À part ça. OK, là, c'est vraiment long pour les humoristes. On a fini. Ouais, je pense qu'on aurait terminé au niveau des humoristes. Ouais. Mais là, Jim Carrey. J'en reviens avec Jim Carrey, juste parce que... Mais c'est il Jim a fait Carrey. Le masque aussi, là. Tu sais, il y a plus que Ace Ventura. Excusez-moi, je... Ça va, pendant ce temps, je vais parler de du cousin de Jim Carrey qui s'appelle Jim Rectangle. Pour de vrai? Non. Jim Rectangle, c'est un carré. Moi, on dit que je suis naïf. Je vais prendre une gorgée de café. Oui, prends une gorgée. Moi, on dit qu'il était frette. Oui, ça a pu être bon faire ce gag-là à cette heure-là. Hein? Non, ça fait 2 heures. Ah! Oh! Il l'a depuis 7h30. Tu te rappelles pendant l'intro quand t'allais chercher ton café? Puis je suis arrivé une minute en retard. Ça me rappelle les souvenirs. Mathieu Roy a donné un réchaud de café. Tu me réchauffes le cœur. Oh. Non seulement t'es président, directeur général de la GE, mais aussi dans le fond, par responsabilité, t'es aussi le boss de la chaise galerie. Donc les réchauds, tu les prends à même ton propre café. Oui. C'est généreux, là, de PDG. Ouais, ben, tu sais, je me suis dit, tu sais, on permettra pas à JP d'en sortir puis d'être en retard encore une deuxième fois dans le même sillon. Bon, ben, je vais même chercher un café, ok, bye! Hey, mon café, man! Bye! Vous devriez vous faire un trou, genre, puis avoir. On avait une vitre avant derrière nous, hein. Je sais pas si tu t'appelles, mais on a plus ça, hein. J'ai jamais vu la vitre, honnêtement. Ben, c'est parce qu'ils ont refait le look de la chasse en 2006 qu'on l'avait. 7, ouais, 2006 qui a été refait. Ouais, on a refait le studio en même temps. Ça veut dire que Mathieu Plante est ici depuis 2006. Beaucoup trop long. Minimum. Oh! Oui. Humoriste des années 90, Mathieu Plante. Non! Je suis sûr qu'il était plus drôle à cette époque-là. Il était encore moins drôle, m'a dit. Pour vrai, j'ai réécouté des émissions. Puis ouais. Pourquoi on parle de moi, non? Pourquoi pas? Je sais pas. Parce qu'on a 20 minutes à remplir. autre sujet? Ouais. Les chanteurs. Le spectacle de musique des années 90. Okay. Ça devrait être quoi, selon vous? Moi, j'ai pensé au bébé. Ah, oh, ouais. OK, oui. Ben oui, ben oui. Tu sais, c'est assez facile. Tu sais, je me suis dit, quelque chose qui a fini dans les années 90, les bébés. Les mini Spice. Baby Spice. Les Baby Spice. Ouais. Des centres d'achat, genre. Ah oui, ça, je m'en rappelle. Ouais. C'était un ennui mortel. Ben, j'imagine qu'il y en a peut-être certaines qui sont rendues à l'université, fait qu'il faut faire attention. Oui, certaines qu'on connaît même. Ouais. Oui, ouais, ils sont peut-être même chroniqueuses. Puis peut-être. Ils sont peut-être juste pas jamais vantés. Peut-être qu'ils l'ont jamais dit en nombre, peut-être. Ouais. Alexandra Carrière? Non, mais tu peux y aller par élimination. On va juste cligner les yeux une fois. C'est ça. OK, chanteur des années 90. Aki Breakdance. Jean Leloup. Steph Kars. Jean Leloup. Oh, non, ouais, Steph Kars. Oh, oui, oui. Moi, oui. Je bats tout avec Steph Kars. Jean Leloup, tel quel, tu peux dire Jean Martel, quand il avait fait son décès de Jean Leloup, puis qu'il avait switché pour. C'est vrai. Il était revenu par la suite. Jean Leclerc aussi, je pense que. Ouais, Martel. C'est Leclerc. Ouais, ouais. Jean ben, Martel. Ouais, Jean ben. Martel. Ouais, Martel, me semble que ça donne des coups. Oui, ça oui, fait ça. Mal. Je me suis dit que ça serait très, très lui, tu sais. Ouais. Belle raison. Autre groupe des années 90. Comment Mère Carmen, dit? À l'époque, t'es bien grosse. Ben, pas dans le poids. Elle était big. Elle était bien grosse. Juliette Renault, tant qu'à faire. Ah. Hein, c'est ça. On s'est réclus en Gaspésie puis parler d'une morue qu'on vient juste de pêcher. Longue de même. Hey, je peux-tu te conter une anecdote? Je peux-tu faire une parenthèse, s'il te plaît? Attends. On est vraiment dans une chronique qui est vraiment timée. On est dans une chronique qui est dans une chronique. Veux-tu faire une aparté? Ouais, OK. Tu serais game? Ouais, je suis game. T'es game pour une aparté là? Il va falloir que tu me laisses comme 3-4 secondes. Ben écoute, il n'y a aucun problème, mais ça va me permettre de me réchauffer la voix. Okay. Do, ré, mi, ut. Je suis déjà prêt. Ut. C'est un autre callback, ça? Oui. C'est le fun, les callbacks. C'est quoi, tu fais tes... Je bench mes notes. OK, tu fais la partie de qui? De moi-même. De toi-même. Donc, la partie de Jean-Philippe. On va voir. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire ce soir. Je vais écouter un Vine. Moi, j'aime ça écouter Vine. Hey, il y a un Vine, là, que j'ai... Hey, wow, le gars, il vient de pêcher une méchante grosse morue. Hey, ça, c'est drôle. Hey, ils sont deux, en plus. Ils doivent mesurer un mètre chaque. Wow! C'est vraiment impressionnant. Hey, ça dure depuis 2 secondes. Je regarde des gars qui tirent des morues. Oh, boop. Oui. Non, 2 secondes. OK. Interromps-moi pas. C'est une date appartenue. Wow! Il y a un dauphin qui mange la morue du gars qui est dans ses mains. Wow! Ça, c'est un bon vin, ça. Je vais le réécouter. De toute façon, c'est en boucle. Fait que là, le gars, il tient sa morue. Puis là, boum! Il se fait piquer sa morue. Ben, il est sur un bateau. Puis il se fait piquer sa morue par un dauphin. Tu sais pourquoi on n'est pas un duo humoristique? Parce que sinon, je l'interromps, fait que je gâche son gag. Oui! puis j'ai dit... En plus, il me dit à chaque fois. Oui. Non, interromps pas mon gag. C'est ça. Pour les auditeurs, je tiens à préciser que des fois, ça a l'air d'être Hansel et Gretel. ou des fois, t'as l'impression de voir Bob pis Bart pis Lisa Simpson. Mais tu n'arrêtes pas de pitcher des bouts de pain. Là. Il est là. On va retrouver notre chemin. Ah, c'est le petit pousset, ça. Moi, je sais plus. C'est Hansel et Gretel, ça. C'est qui, eux, Hansel et Gretel? Je sais plus, puis je m'en sers. Ça, à cause des années 90. Sœur Hansel et Gretel. Sœur Angel. Oui, Sœur Angel. Elle fait des petits pains. Oui, tu sais que Sœur Angel était en gastronomie recherchée au Buffet des Continents. Ah oui? Elle était là en conférence de presse. Wow. Conférence, dis-je. J'ai rien d'autre à rajouter. Attends, est-ce que t'as vraiment affirmé que Sœur Angel faisait une conférence sur genre l'art culinaire au Buffet des Continents? Je te jure, je vais même retrouver l'affiche. Puis t'étais là? Non, j'étais pas là. Je suis pas là. Pousse pas. Je suis passé devant. Je sais que t'aimes bien manger JP, mais il y a toujours pas des limites. Là. Non, c'est... Moi, je mange Sœur Angel. Non, faut que j'aille manger une sœur. Hein. Du avec vieux, au goût de neuf. faut pas manger seul. Comment faire que votre personne âgée goûte la personne moins âgée? Peppermint. C'est ça, des petits bonbons avec des lignes dessus. On finit par la retrouver. Ouais. Fait que là, dans le fond, on a fait une aparté. Ben, t'as fait une aparté et j'ai participé comme. Alors que je devais pas. Comme bon, me semble. C'est ça. Et là, on est venu à Tout le temps de quoi? Qui était la chronique sur le chiolage dans la chronique de la GQTR, c'est ça? Ouais. T'as fini le chiolage? Ben, je sais pas, tu sais, j'ai pas qu'à pleurer non plus. Non. C'est une fille remplie d'émotions. Ben, moi aussi, j'en ai, mais tu sais, c'est ça, j'aime pas ça, causer trop d'émotions chez les gens. Non. J'ai fait de mon chiolage, tu sais, plutôt que de m'adresser à elle comme toute être civilisée. Tu sais, de faire part de ma critique, ben je me suis dit j'allais m'adresser à un auditoire qui avait rien à. Tu sais, qui n'était pas nécessairement au courant de tout ça. Non. Ça n'avait clairement rien de mieux à faire en ce moment que t'écouter. Ben, je m'excuse, mais tu sais, je suis quand même mature, ouais, là. Tu vois, de la GQTR et ton thème. Ouais, mais c'est pas parce que je suis de la GQTR que nécessairement les gens doivent écouter. Disons que je participe beaucoup plus dans cette émission-là à caractère humoristique qu'à caractère. Ludique. Une chance que ce soit marqué émission d'humour sur le site de C'est Fou, hein. Ça serait de la fausse représentation. Ouais. Hein. Ben, ça dépend. C'est juste qu'il est pas catché par tous. Non. C'est ça. Faut l'expliquer, tu sais. C'est pas catché, c'est catchy. Ouais. C'est kinky aussi. Des fois. Oh. Mais en tout cas, je tiens à préciser que j'étais là à l'heure aujourd'hui pour faire un changement. Ouais. Bravo, Mathieu Roy. Merci. Je vais pouvoir me peigner un peu le toupet en. Avec mon foulard maintenant, puis avoir l'air un peu plus poète. Poète hipster, style. Ouais. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Ben, c'est un de mes buts dans la vie. Cette année, je suis ni poète hipster. Poète hipster. C'est un bon but. Mais ça, tu pourras le faire aussi à la Fureur. Si tu veux. Quel lieu ce soir? Ouais. Êtes-vous là ce soir, vous? Ou vous préférez aller dans un endroit lugubre appelé la salle Louis-Philippe Poisson? Écoute, je sais pas encore. Oh! On verra. On parle de choix de sortie maintenant. Alors, les chroniques des choix de sortie, paye sur ton bouton choix de sortie. Si tu veux une intro de choix de sortie, m'a donné ça, moi, à l'instant, grâce à ça. Moi, je suis prêt. Moi, je suis vite sur la gâchette, moi, comme tu peux voir. Là. C'est vraiment pas long. 5, 6, 7 et 8. Bon, Mathieu Roy, suggestion de sortie? Ah, les choix de sortie. Moi, je connais deux choix de sortie pour ce soir. Tellement que je suis dans la vie sociale. On a La Fureur, poursuivie par le karaoké ici ce soir, à la Chasse-Galerie. Ouais. Ou sinon, à la salle Louis-Philippe Poisson, La Lime, qui joue à l'impro. Incroyable. Quelles sont les équipes? Je ne sais pas, par contre. Je pense mais ce sont deux équipes qui s'affrontent. Au moins deux. La tradition le veut que ce soit deux équipes. Génial. Cool. C'est tout pour ça? Ouais, ça serait ça. Cool. Ben, avez-vous d'autres choix de sortie, vous autres? Bon. Faire des vimes? C'est bien me connaître, ça. Oui, moi, j'en ai un. OK, t'as une autre Oui. On a créé un monstre ce soir à Shawinigan. Arrête donc. Je te jure, 5 piastres. Bien. C'est à cause de Shawinigan qu'il y a un monstre ou... Nouveau CD. Nouveau CD. Brand new CD. Brand new... New shit, comme on dit. Oui. Spin that shit. Puis c'est mauve contre blanc, à la lime. Oh. Les blancs, là. Ils essaient tellement de prôner la paix, eux autres. Avec les mauves, blanc. Ouais. Les mauves, c'est juste des fans finis de Tinky Winky. Mm-hmm. Voilà mon opinion sur ces deux équipes. Alors, c'était. C'était plein de choses, premièrement. Oui. C'était entre autres la chronique de la GEQTR de Mathieu Roy. Oui, il y a eu ça. Il y a eu ça, on confirme. On confirme. Oui, la régie nous confirme qu'il y a eu une chronique de la GEQTR au travers. À travers tout ça. Et la semaine prochaine, ce sera mardi à 8h45. Pas avant, pas après. Ah, je prends le rendez-vous. Okay. Ouais. Mais Nancy! J'ai un rendez-vous mardi prochain! Mais je pense honnêtement, mardi prochain, je vais le rater parce que j'ai comme deux travaux de session à remettre la même journée. Fait que si vous me permettez, là, je sais que c'est bizarre de faire des doléances directement live à la radio. Là, faut que je le retienne en plus, ça, c'est plus difficile pour moi. Oh. Ouais. Ça, il me l'a fermé. Ouais, mais comme ça, au moins, les auditeurs qui écoutent vraiment le mardi matin vont pouvoir ils vont pouvoir t'appeler et te dire « Hey Mathieu, tu t'en rappelles pas? Mathieu non. Roy, il t'a dit qu'il serait pas là la semaine passée. » Là, tu vas faire « Ah ouais? » Ah, hey, ça veut dire que... Pour de vrai, si quelqu'un appelle mardi prochain pour nous dire ça, j'y offre un café. C'est fin, ça? Ouais. Si le téléphone n'est pas en arrière de l'écran. Chaud. Boisson chaude, ouais. Boisson chaude. Ouais, parce que habituellement, toi, tu prends ton café froid rendu à cette heure. Ouais, rendu à cette heure, mais. Pour faire le gag de je bois mon café. Merci, les gars, de m'accepter. Pareil. Ben, malgré la différence. Même. Ouais. On est tous très différents. Ben, c'est ça, c'est fou, hein, ça attire les mouches. Hein. Fait que. On est là. Buzz. On devrait aller en musique, je pense. Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas en musique depuis comme 10 minutes? Je sais pas. Genre... Moi, je commence à shaker. Je suis jamais à l'aise. Là. Ben, tu vois, t'es encore écroulé sur la table. Rie plus fort que ça. Oh! T'es fou rire à radio, c'est une première! Voici les Albertans. Casual Encounters. Champagne. The Albertans avec Casual Encounters. C'est bon. Ben oui. Il reste quoi, une dizaine de minutes environ à cette édition d'Assemblage requis. Et moi, je suis jaloux un petit peu parce qu'à date, tu as fait beaucoup d'aparté. Ah oui, tu veux en faire une? Ouais, je vais me tenter. Je vais essayer quelque chose. Okay. Donc voici l'aparté de Mathieu. Là, je suis un psychologue. Faut que je te parle. Je t'écoute. J'ai un problème dans la vie. On dirait que les silences pour moi, je suis pas capable d'avoir un silence dans ma vie. Faut que je remplisse le silence. On dirait que je me sens mal quand il y a un silence. Fait que je suis là puis je parle. Même quand c'est un silence genre intentionnel dans, mettons, une blague que quelqu'un fait. C'est un problème que j'ai. Comme là, tu vois, il y aurait un silence. S'il y avait pas les criquets, c'est ça. Je parle par-dessus ta tête, ton aparté. Ouais. je me sens mal. Là. Ouais. Celui-là, il était pas pire. Ok, je pense que je commence à... Ça va mieux? Ça va mieux pour les silences. Ouais. J'ai du mal à pas interagir. Je comprends maintenant ce que c'est. Tu vois, hein? Oui, c'est dur. Ouais. On dirait que je veux jamais te laisser tomber. Non. C'est comme un filet de sûreté, tu sais. On est comme une équipe, t'sais. Une équipe, c'est comme ça. Hein. Ça arrive une minute en retard. C'est ce que ça va chercher un café. Genre. Mais l'un est là pour l'autre et l'autre est là pour l'un. Oh, wow. C'est comme une entraide. C'est comme le Noël du pauvre, mais sans pauvre. Puis pas du tout. Ah, Noël. Mathieu, je vais te donner des denrées. Oui, ok, on se donne des denrées demain. Doré, mi, face. Ok, je vais t'apporter. C'est sûr que je t'apporte du jus de tomate. Ah, t'es fin. T'es fin, genre du jus de tomate. Ouais. Cool. Par exemple, je vais peut-être être fancy. Ça se peut que je t'apporte le 33% moins de calcium. Mais moi aussi, j'ai du jus de tomate. Je pourrais te l'amener en échange. On pourrait s'échanger nos... On a échangé nos jus de tomate. Ouais, OK, on fait une émission là-dessus. Okay. Au complet. On a échangé nos jus. OK, puis on échange nos paires de sous-vêtements. Puis, Depuis que... Ah! On pourrait faire une aparté. Tu veux faire... Hey, là, t'es en feu, hein? Oui, on pourrait faire une du aparté. À deux? Oui! On se coupe la parole l'un l'autre? Parfait. Okay, à quel sujet? Le jus de tomate. Jus de tomate. Ah, félicitations, vous avez fait 70$ de plus d'achat. Fait que vous avez un jus de tomate. Moi, tu vois, j'ai toujours eu envie, tu sais, de à la place, mettons, une pièce de théâtre, de lancer des jus de tomate à la place de lancer des tomates. Ben oui. Une bouteille ou un blé. Mais c'est con, parce qu'en même temps, le jus de tomate, il aurait dû donner ça l'été. Il n'y a plus de moufette à ce temps-ci. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais avec du jus de tomate? Je sais pas, il n'y a rien à faire avec du jus de tomate. Mais du jus de tomate, c'est bon, mais c'est parce que c'est rempli de grumeaux. T'sais. C'est un peu comme de la pulpe, mais est-ce qu'il précise? Est-ce qu'un jus de tomate, c'est sans pulpe? T'sais? Oui, t'as sans pulpe. Okay. Petit peu de pulpe. Petit peu de pulpe. Beaucoup de pulpe. Beaucoup de pulpe. Très beaucoup de pulpe. Hein? A lot of pulpe! Juste de la pulpe. Juste de la pulpe. Il devrait faire du jus d'orange avec juste bien. La pulpe. Un poulpe. Oui, un poulpe. Oui. C'est plein de poulpe. C'est comme dans Pulp Fiction, oui. Le célèbre film avec des tentacules. Oui, mais c'est parfait avec du clamato. Clamato, a lot of pulp. Oui, a lot of pulp. Bon, ben voilà. Je m'en peux plus. Je m'en peux pulp. Est-ce que tu penses que celle-là, c'est dans nos plus populaires? Je parle des poulpulaires. C'est poulpulaire. Ben oui, parce que la tension entre nous deux était poulpable. Poulpable. Attention, monsieur le juge. Poulpable. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Je m'en vais à Capoulpoulpo. À Capoulpo, quand je l'ai raté. Celle-là était too much, Mathieu. Mais t'es bonne, mais je l'ai raté. C'est dans l'exécution. Tu sais, les blagues, des fois, peuvent être très mauvaises. Tu sais, le script peut être très mal écrit d'une blague, tu sais, dans notre script PDF pour l'émission Assemblage Requis, on écrit à tous les jours. Des fois, si tu la rates dans l'exécution, c'est là que tu tombes à plat. Ah oui. Plot Tupperware. Tupperware. C'est ça. Tupperware. Oui, c'est incroyable. L'autre fois, j'ai fait une mauvaise blague en parlant de Tupperware. Que c'était un party de plat, ou un plat party, ou un ploté. Un ploté. Ça m'a sorti. C'est l'exécution encore. Oui, oui. Oui. Oink. Oink. Oink. Oink. Je vois bien que celle-là me laisse. Ouais, je suis poulpé. Bon, ben, lance-moi des pots de tomates. OK. Hey, à Capoulpo, là. À Capoulpo? C'est-tu proche? À Capoulpo! Ah, c'est des Tupperware! À Capoulpo, des pots. Ah, le pot des pots. Pot des pots. Le nouveau magasin de Tupperware, pot des pots. Pot de pots. Bref, pour revenir à ma blague d'à Capoulpo. Ah, je m'en peux plus, Mathieu. Es-tu proche, cette ville-là, du Tennessee? Point, point, point, point. Pull, pull, pull, pull, pull. Dans deux mois, avec ou sans lumière. tard et dire en poussière et sourire à pleine dent. Pourtant, je suis le noir et le blanc dans les portes de ciment et je peux tout voir le soir plus tard. C'est Tennessee. Oui, c'était Nessie. Non, c'est Tennessee. C'est Tennessee. C'est ça. C'est là. Entre les mots, il y a des... Des lettres. Des lettres. Donc... finalement, le silence, ça va bien? Oui, à date, je commence à m'accommoder. Oui, accommodement raisonnable de silence. Donc, Jean-Philippe, tu nous as cherché et trouvé, je crois, un site de jeu de mots vraiment, vraiment mauvais, boboche, parce qu'on essaie de se comparer, nous, notre humour... entre guillemets, évidemment, humour, avec celle déjà sur Internet, des fois, il y a comme une différence dans les tons, t'sais. Oui. Écoute, le... attends un petit peu. Là, ce qui arrive, c'est que j'ai fermé parce que c'était vraiment plat. Ctrl-Shift-T. Par exemple, c'est pas ça que je vais parler. Non, okay. Non, c'est un site Internet qui fait... tu sais, oui, tu peux avoir des jeux de mots dans la vie qu'on dit à tous les jours. Mais tu peux aussi avoir des jeux de mots comme dans les noms d'entreprises. Ouais. Puis il y en a un, c'est comme... il a dessiné un D. C'est ID en tête. Mais ID c'est, en c'est, tête. C'est... Ouais. Ah. Ouais. Coiffure, air pur. Hair pur. Hair pur. Hair pur. Air pur. Hair pur. Stéphane, hair pur. Tu vois, on est meilleurs qu'eux autres. Ouais, c'est ça, pas mal. Ouais. Attends un peu. Le gars s'appelle Philippe, puis il travaille dans l'électricité, fait qu'il s'appelle Phil Électrique. Wow, Phil Électrique. Mm. Ouais. Tu sais, j'avais une chronique dans l'année passée, je sais pas si tu t'en rappelles, qui s'appelait « Ce slogan vous va comme un gant ». Oui, ça pourrait être ça. Et c'est la même chose parce qu'on essaie de trouver les pires noms de compagnies, de slogans pour aller avec des compagnies. Ouais. C'est exactement la même chose que ça, sauf qu'on essayait d'en trouver d'autres. Faudrait qu'on la refasse. Ouais, ça serait vraiment fun. Okay. Un petit dernier avant de se quitter. Il y a un bar sur le bord de l'eau. C'est le bar de... Oui, puis c'est à Trois-Rivières. Il y en a un qui s'appelle à Trois-Rivières demain. Bar de l'eau? Ouais, je te jure. Ben, c'est ça. Mmh. Bar de l'eau. Bar de l'eau. Bar de l'eau. Bar de l'eau. Bar de l'eau. Voilà pour cette édition de l'Assemblage requis. On a eu beaucoup de plaisir, plus que d'habitude, on dirait. Oui. Encore plus. C'est ça qui arrive. Je sais pas ce qu'on a. On a du fun. C'est peut-être pas drôle, mais... Ça doit être les mardis. L'effet mardi. Ben, les mardis et les mercredis, je trouve. Les méchants mardis, Assemblage Rec. Oh, Assrec. On a élargi notre émission. Demain, dans notre superbe programme, on aura quand même des chroniqueurs de talent. Ingrid Arneberg va nous parler de parents et d'enfants dans sa chronique familiale La course au trésor. Véronique Mire va parcourir la lettre L dans son segment Le Véronictionnaire. Et on recevra Stéphanie Paradis qui va animer son célèbre cheese quiz reconnu mondialement. Oh! C'est demain. Et des surprises. Okay. Et du plaisir. Et nous et vous. Puis j'ai essayé de pas arriver une minute en retard avec un café. Juste pour te sauver des insultes de ma part, c'est une bonne idée de pas faire ça. Ouais. Parce que sinon, j'ai tendance à un petit peu m'acharner sur les gens. C'est pas grave. Mais c'est un autre problème que j'ai, tu sais. Je suis prêt à ça. Ça et les silences. Ça pis les silences. Je te dirais bye bye, là! On est plus en onde, là, à ce moment-là. C'est plus en onde, ça, là. Non. Hey, Mathieu, on en a eu une bonne. Hein, c'était une bonne émission. L'émission, t'es bonne? Oui. Ah, ça. Ok. C'est pour essayer d'avoir l'air d'avoir fermé le micro. Oui, c'est ça. Le gag tombe à terre. L'effet lointain. Bye! Bye, Mathieu, à demain, là.